Chapitre 2e. Peut-être M. Darwin serait-il à même de nous expliquer comment une espèce fort commune donne parfois naissance à des êtres qui dépassent sous tous les rapports leurs progéniteurs. Quant à moi, je me contente d'affirmer que Jim Hoxton était un de ces êtres supérieurs et qu'il le savait. Non qu'il fût le moins du monde infatué de lui-même, seulement il ne pouvait s'empêcher de voir ce que les autres reconnaissaient. Tout le monde prononçait son éloge car il était bon et obligeant. Chacun eût voulu devenir son ami, mais pour une raison quelconque, il semblait préférer sa propre compagnie à celle de ses voisins. Si nul ne déployait plus d'activité tant que les maquereaux mordaient, il s'appuyait paresseusement au bord de sa barque lorsque la bande disparaissait et contemplait les vagues ou les nuages. Ses plantations étaient si bien tenues que l'on venait de loin afin de le voir à l'œuvre et de prendre des leçons. À l'heure où le soleil couchant dorait les cimes qui s'élevaient en face de sa demeure, il s'appuyait souvent sur sa bêche pour admirer ce nouvel aspect de la nature. La nature, ce divin poème où le beau se révèle partout en se transformant sans cesse, c'était là le livre qu'il lisait le plus volontiers. Pour son malheur, il rencontra un jour Millie Botaine et se mit aussitôt à adorer une autre forme de la beauté terrestre. Miss Millie, bien qu'on ne pût l'accuser de coquetterie, fut flattée de l'admiration qu'elle inspirait à ce garçon de si bonne mine, à la fois si doux et si courageux, qui ne ressemblait guère aux gens de sa classe. Mais lorsque Jim, avec sa droiture et sa simplicité habituelle, lui avoua qu'il l'aimait, elle reçut cet aveu d'une façon qui, bien qu'elle n'eût rien de blessant, ouvrit au pauvre amoureux un horizon plus sombre que tous ceux qu'il se plaisait à contempler. Il ne se grisa pas. Il ne menaça pas de se tuer ou d'épouser la première fille qu'il rencontrerait. Son désespoir lui inspira une résolution beaucoup plus sensée. Il se décida à quitter l'endroit où il ne pouvait plus vivre sans éprouver de cruelles souffrances et à cacher sa douleur dans les régions aurifères nouvellement découvertes de la Californie. Peut-être avait-il soudainement compris certaines propriétés de l'or. En tout cas, le bruit se répandit bientôt à Spanish Stake, où il s'était établi, que Jim récoltait plus d'or qu'aucun autre mineur du camp et qu'il expédiait sa récolte à San Francisco. « Un mauvais drôle, voilà mon opinion sur son compte, » dit un nouveau venu, un jour que Jim, seul de toute la société réunie devant la buvette, avait refusé de boire avec lui. « Halte là !» répliqua le colonel II, à qui nous donnait ce sobriquet parce qu'il possédait ses deux yeux et qu'il fallait le distinguer d'un mineur borgne du même grade, connu sous le nom du colonel I. Il est heureux pour vous que vous ne soyez arrivé au camp que depuis hier. Sans cela, un de ces messieurs n'aurait pas manqué de vous trouer la peau en vous entendant dire du mal de Jim, car nous ne jurons que par lui. Il ne porte pas un revolver dans sa poche. Il est doux comme un agneau, mais il a fait ses preuves, et personne n'a envie de s'attaquer à lui. Ceux dont il a serré la main peuvent se vanter de compter sur un ami qui les défendra à la vie, à la mort. Il ne boit pas, c'est vrai, à faire de goût. Il n'a pas besoin de boire pour se donner du courage, je vous en réponds. Pas plus tard qu'avant-hier, il est allé trouver Bermude, à qui le rhum était monté à la tête et qui attendait Yankee Bill, un pistolet dans chaque main, le doigt sur la détente. Bermude, dans ses moments de mauvaise humeur, tirerait sur son père si son père voulait raisonner avec lui. Eh bien, Jim n'a pas eu peur. Il a décidé le vieux à se donner une douche sous la pompe et à rentrer se coucher. Le nouveau venu s'excusa d'avoir mal jugé un homme qui méritait toute son estime. Il faut supposer que les gens paisibles et courageux lui inspiraient de la sympathie ou qu'il avait besoin d'un ami. Quoi qu'il en soit, à dater de ce jour, celui qu'on appelait le New Yorkais, aux mines la politesse défend de demander un extrait de naissance aux voyageurs qui taisent leur nom, se montra plein d'égards pour Jim, qu'il trouvait sans doute plus intelligent et plus instruit que la majorité de ses compagnons. Ils ne tardèrent pas à se lier et finirent par habiter la même hutte. Le New-Yorkais, bien conseillé par son camarade, exploita un lot voisin de celui de Jim. Lors de son arrivée, il paraissait inquiet et abattu, mais au bout de quelque temps, grâce aux encouragements de son ami, il se rempluma, pour employer l'expression d'un observateur de la localité. « Vous voulez amasser 250 000 $ ?» lui répétait Jim. « C'est une grosse somme, et cela demandera plus d'un jour. N'importe, avec de la patience, rien n'est impossible. » Un soir, qu'ils causaient ensemble au coin du feu, ils entendirent dans la hutte adossée à la leur une voix inconnue qui demandait « Vous n'avez à Spanish Stake personne qui ressemble à cela, vous en êtes bien sûr, colonel ?» Le New-Yorkais se redressa tout à coup. « Drôle de question, » dit-il. « Je suis curieux de savoir qui l'on cherche. » À ces mots, il sortit à la hâte. Jim attendit un peu. Puis comme on continuait à s'entretenir à voix basse chez le colonel 2, il se leva pour rejoindre son ami. Il ne trouva plus ce dernier dans la cabane voisine. Mais deux étrangers, à la mine éveillée, et qu'à leur costume on aurait pu prendre pour de bons bourgeois, se tenaient près du lit où le colonel était déjà couché. L'un d'eux, en voyant entrer Jim, lui tendit la photographie d'un jeune homme vêtu à la dernière mode de New York. « Vous n'avez pas non plus rencontré ici l'original de ce portrait-là » dit-il sans autre préambule. Jim examina la photographie et secoua la tête. « Je vous répète que ce beau monsieur n'habite pas à nos parages, » s'écria le colonel d'un ton de mauvaise humeur. « Ce n'était pas la peine de me faire allumer ma lampe. Après ça, s'il a des motifs pour se cacher, il aura sans doute laissé pousser ses cheveux et sa barbe. Il n'en faut pas davantage pour rendre un individu méconnaissable. À propos, que lui voulez-vous? C'est un de vos parents ?»« Non, » répliqua l'étranger. « Le fait est... Tenez, nous donnerions volontiers $1000 à celui qui nous aiderait à mettre la main sur lui dans les 24 heures. » « Comment diable ne l'ai-je pas deviné plus tôt ? » s'écria le colonel, qui disparut un instant sous ses couvertures. « Vous êtes des dépiautés, shérifs, hein ?»« Ou peu s'en faut, » répliqua celui auquel il s'adressait. « Vous tenez à votre peau, n'est-ce pas ?» demanda le colonel qui sauta à bas de son lit et arma un revolver. « Moi aussi je me mêle parfois de faire la police du camp, mais je la fais ouvertement. » Les détectives, avec la sagacité qui distingue les gens de leur profession, comprirent que la question du colonel équivalait à un ordre de déguerpir, et ils se dépêchèrent de prendre congé. Jim ne tarda pas à rentrer chez lui et s'endormit. Le soleil se leva, pas de New-Yorkais. L'heure du dîner arriva, mais Jim, à son grand ennui, dut manger seul. Le soir vint sans que son compagnon eût reparu. Contre son habitude, Jim passa une heure à la buvette où son camarade ne s'était pas montré et où personne ne put lui fournir le moindre renseignement. Comme il n'aimait ni à boire ni à jouer, il regagna son logis et alluma une chandelle afin de se distraire en lisant. Les journaux ne manquaient pas dans la hutte. Le New-Yorkais en recevait plus que tous les autres mineurs réunis. Jim venait de dérouler la couverture de son commensal ordinaire pour trouver les derniers journaux arrivés, lorsqu'une boîte qui contenait un portrait tomba sur le sol et s'ouvrit en tombant. Au lieu de la refermer, comme il en avait l'intention, il la saisit et s'écria « Millie Botane !» Il approcha le portrait de la lumière et le regarda de plus près. Oui, c'était bien Millie, c'était bien les traits de celle qui, 3 mois auparavant, avait ouvert à Jim Hoxton un horizon radieux, puis avec un doux mais triste sourire, avait renversé d'un seul mot tous ses châteaux en Espagne. Quelque surprise que lui eût causé la découverte inattendue de ce portrait, il fut plus étonné encore d'apercevoir sur le côté opposé de la boîte une photographie pareille à celle que lui avait montrée l'agent de police. « C'est sans doute son fiancé, ce Brand dont elle m'a parlé, » se dit Jim. « Un beau garçon, ma foi, et je comprends qu'elle se soit attachée à lui. Dieu veuille qu'il la rende heureuse. Mais par quel hasard ?» Soudain, il tressaillit comme sous le choc d'une batterie électrique. « Le New-Yorkais !» s'écria-t-il. « C'est lui que ces agents de police cherchent !»